Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On fait un petit saut dans les années 80 avec la chronique Ton plat favori de Stéphanie Gagné. Et dans leur chronique humoristique Vidéo à la question, Mathieu Saint-On, Julien Carchambault parlent d'intolérance raciale. C'est à Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à l'émission Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées en compagnie de Mathieu Plante. Salut Mathieu. Salut Kiwan. Ça va bien? Oui, super toi. Oui. Semaine qui se termine ici pour les quotidiennes de C'est fou en ce jeudi 4 février. Oui, et aujourd'hui à l'émission, on a comme à tous les jeudis la chronique de Stéphanie Gagné qui va venir en fin d'émission. Puis aujourd'hui, on sait pas, c'est un peu mystérieux, on sait pas exactement de quoi elle va nous parler, mais on sait qu'on va faire un bond dans les années 80. Ça va être rétro-kitsch. Voilà. Ouais. On va aussi recevoir Philippe Antaya pour parler du journal Zone Campus qui est en kiosque maintenant. Donc, il va nous faire faire le tour des nouvelles dans le journal. On va voir la chronique humoristique Vidon la dont la question sur l'intolérance raciale. Donc, un beau petit dossier préparé par Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. Et en plus, on devrait avoir une chronique CNX. Wow! Nouvelle du futur. Quand même chargée pour une émission de jeudi. C'est pas mal d'affaires en même temps. Oui, c'est vrai, d'habitude, on finit super tranquille avec rien de bien préparé. Aujourd'hui, du travail et du travail. On va commencer l'émission tout de suite en musique avec un extrait du palmarès anglophone, le groupe Colorado. Leur album s'appelle Record in a Bag. Tu sais-tu pourquoi il s'appelle comme ça, Mathieu? Non. Parce qu'à la base, quand l'album était juste un démo, ils le vendaient dans leur show vraiment dans un sac Ziploc. Oh wow! Et puis apparemment, le concept doit rester pour la sortie officielle de l'album, parce que nous, c'est pas l'album officiel qu'on a ici, mais l'album sort mardi prochain et ils ont réussi à garder le concept avec leur compagnie de disques, concept sac Ziploc. Mais, j'adore ça. On va avoir la chance d'en apprendre un peu plus sur le groupe Colorado la semaine prochaine parce qu'on va les recevoir en entrevue ici à l'émission. Mais pour tout de suite, on va écouter la pièce Juliette qui est dans le palmarès anglophone. Nous, notre émission est fournie avec un sac aussi, mais c'est pour d'autres raisons. C'est parce que... Ouais, c'est ça. C'est pas un sac Ziploc, c'est plus un sac en papier. C'est ça. way a week can take so long, when nothing ever changes. The way you still is on my street, like nothing ever changes. And you roll, and you roll, and you rock, and you roll. And he's got now to do do do do, do and you can get home. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Listen to the right folks go take a walk on the water. Smoke the drug, eat or don't. Vanessa Parietta et la pièce Givresse, c'est la compilation Les Frères du Son. Oui, c'est une nouvelle pièce en fait de Vanessa Parietta qui ne se retrouvait pas sur leur album La mer était vide. Et c'est ça, on la retrouve sur la compilation Les Frères du Son. Est-ce que tu sais un peu ce que c'est, Les Frères du Son? Est-ce que tu peux me l'expliquer, Mathieu, s'il te plaît? Oh, mais avec plaisir, avec plaisir. Ça fait à peu près 10 ans que Ghislain et Pascal ont une passion commune, la musique, qu'ils disent. Donc, pour partager leur musique, leur passion avec les autres passionnés, ils ont décidé de créer, en janvier 2009, un podcast ou une balado-diffusion mensuelle pour faire découvrir leur nouveauté musicale, ce qu'ils ont découvert musicalement parlant. Donc, ça a provoqué un engouement. Les gens ont aimé le concept. Donc, ils ont poussé ça un petit peu plus loin en faisant des capsules vidéo pour présenter les artistes et les formations. Et puis, un an plus tard, ils ont bâti leur site Internet officiel qui est au lesfrèresdusson.com. Ils ont élargi leurs horizons artistiques en s'alliant avec de précieux collaborateurs, disent-ils. Leur mission est de faire découvrir une tonne de nouveaux artistes, connus ou peu connus. Et ce qu'ils disent, c'est que ce qui les distingue, oui, c'est qu'ils ne se contentent pas de présenter les compositions de ces artistes, ils veulent aussi vous faire découvrir qui se cache derrière ces créations-là, que ce soit côté politique, religion, société, monde. Donc voilà, balado-diffusion, plein d'autres trucs à voir sur lesfrèresdusson.com et puis leur compilation est en 2 CD et moi je pense que ça va faire une belle alternative à Québec émergent qu'on a perdu à cause de la fin de la Sopref. Ouais, c'est vrai, c'est un peu l'équivalent de ce que la Sopref faisait. Donc cette compilation-là, Les Frères du Son volume 1, je sais pas si c'est distribué. L'album me semble assez homemade, la version qu'on a ici. Je sais pas si l'album a été distribué, mais bon. Je l'ai téléchargé gratuitement sur /compilation sur leur site. Un petit fichier de 169 MB zippé, ça se télécharge gratis. Internet. Wow. Parfait. Là-dessus, il y a entre autres les groupes L'Indice, Monogrenade, il y a Antoine Corriveau, Monsieur Mono, il y a Vanessa Parietta qu'on a entendu un petit peu plus tôt, Akido, Terracine, Plagia, Polype, Charcutte, Navet Confit et plein d'autres. Ça n'arrête plus, hein, sérieux. Sur leur blog en ce moment, à voir entrevue avec Malajube, Feathership, Patrick Watson, comme les gros noms, là. Mm-hmm. C'est pas rien du tout, ça. Wow. Mm-hmm. Donc, on va continuer à explorer cette compilation-là qu'on a ici au cours des prochaines semaines. Un peu comme Québec émergent, ça va nous toffer des mois. Ça, ouais, c'est ça. On va tout écouter. Ça sert de dépanneur là, quand on CD saute. Il faut que tu gardes ça. Il y a 2 CD en plus, fait que tu passes d'un à l'autre. Ouais, c'est ça. Tu peux faire une émission complète, en fond, avec ça. Génial. Wow. Ce qu'on peut faire aussi pendant une émission complète, des fois, c'est écouter une émission complète de Vidéo la question, parce que ces gars-là, avec leur chronique humoristique, là, tout le monde capote, tout le monde sont comme « Wow, mais c'est quand la prochaine édition de Vidéo la question? » Ben, c'est genre maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue, vous écoutez Vidons la don la question avec Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. Et aujourd'hui, on vous parle d'intolérance raciale. Hein? Là, je vous entends à la maison, là, vous vous dites « Ouch, Vidons la don va faire des jokes de race, j'ai peur ». Mais non! Non, n'ayez pas peur tout le monde, vous n'avez rien à craindre. Ah non, et pourquoi Mathieu, les gens n'ont rien à craindre à la maison? Parce que nous, de Vidons la don la question, nous avons fait l'acquisition d'une machine de haute technologie qui s'appelle le Censurotron. Le Censurotron! Et voilà, je vais l'allumer, on l'a juste ici. Ah! Le Censurotron, il fait un beau bruit, hein? Oui. Comment ça fonctionne, le Censurotron? Eh bien, c'est facile. On rentre des mots-clés dans la machine. Mm-hmm. Et là, la machine, elle traite les données, elle traite les mots-clés. Et elle nous indique les possibilités de joke qu'il y a à faire avec ces mots-là. Tout en restant correct. Voilà. Donc, le Censurotron va sûrement bien nous aider à faire des jokes dans notre émission sur l'intolérance raciale. Oui, tout à fait. Mais là, moi, j'ai bien hâte de l'essayer, cette machine-là. Fait que mon Matt va me rentrer tout de suite les mots camping, anus, pis cerbo-croate. OK. Ah oui. Bon. Tiens. 8 jokes. On peut faire 8 jokes avec les mots anus, cerbo-croate, pis camping, man. Incroyable. Vas-y, lis-en une, ah oui. OK. À un moment donné, ces deux cerbo-croates, il y en a un qui dit à l'autre, disons là que toi, là, tu t'en vas faire du camping, pis que là, le matin, tu te réveilles, pis tu te trouves plein de vaseline avec l'anus qui te chauffe. Tu vas être genre à en parler à quelqu'un de ça? Que l'autre cerbeau-croate répond « Ouh, non, je serais gêné, je pense pas. » Fait que là, le cerbeau-croate, il dit « Ah ben, ça te tenterait-tu de venir faire du camping avec moi de bord? » Et moi, je voudrais juste faire mention, là, bel accent cerbeau-croate, Mathieu. Alors, écoute, Matt, moi, tant qu'à y être, j'essaierai quelque chose d'un petit peu plus hardcore. Parfait. Fait que rentre les mots « juive, cochonne, pis raie ». Hey, bonne, toi, ça passera jamais. Une joke avec Juive Cochon Piret, on est à radio, Luc. Non, mais je veux dire, c'est le censure au tombe. S'ils nous en sortent une, on va la faire, là. Ah, c'est vrai, elle va passer, elle va être correcte si elle sort du censure au tronc. Okay, ouais. Cool, Juive Cochon Piret. R-A-I-E. Ah, non. Zéro correspondance trouvée. Ah, ben. Ben, essaye juste Juive puis Cochon, peut-être, je sais pas. On aurait probablement plus de chance. Ah. Ben non, coudon. Ben, il me semble, il doit bien avoir une joke qu'une juive cochonne dedans. C'est sûrement, là. Juste juive, ouais. Hein, oh. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, cette machine-là? Pas de joke de juive. Qu'est-ce qu'on va faire, là? Appelle la compagnie, on va se plaindre. Mais disant qu'on va se plaindre, pas de joke de juive, ça a-tu de l'allure? En tout cas, peut-être que la machine a été fabriquée en Israël, puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de joke de juive, là, mais. Ça se pourrait, ça. En tout cas, le scripteur de cette machine-là, c'est sûrement pas Dieu donné. Non! Non. Bon. Hello. Oui, allô, je viens d'acheter un censure au tronc, puis il veut pas me sortir de joke de juive. C'est-tu normal, ça? Oh, yeah, well, you have to buy the plugins to get access to the Jewish jokes. Des plugins de joke de juif? Yeah, we're selling them in a special store on Bernard Street. Ah, bon, ben parfait. Écoutez, on va y aller. Parfait, ça. Be aware that you're gonna have to show your penis to get access to the store. Que je vous montre mon pénis? Yeah, we have to make sure that you're circumcised before allowing you to use the Jewish Jokes plugin. Ah ben, faut être circoncis, toi. Ben écoute, mon match, je pense que tu vas être pogné pour aller leur montrer ton tyrannissima. Boys, you gotta be both circumcised to get the plugins. Mais là, voyons donc, je me ferais certainement pas faire un tyrannissima moi aussi, rien que pour ça, là. Est-ce que Luc se fera faire un tyrannissima rien que pour pouvoir acheter les plugins de Jokes de Juifs? Le ministère de l'Immigration vous rappelle que l'intolérance raciale, c'est inacceptable. Salut chérie, où est-ce que t'étais? Oh, j'étais me promener à Parc Extension. Et puis, comment c'était? Hey, ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de crises de tamou. Regarde, papa, j'ai fini mon devoir! La guerre au Liban. Oh ben, dis-moi pas qu'ils te font faire une recherche sur les hosties d'arabes. C'est toi qui as laissé le tapon de poêle dans la douche! On créera à moustache une grosse crise d'Italie! Voyons, mon petit TV qui marche pas! Il doit être fabriqué par des bâtards de Cento! Ah, dégueulasse, grand-papa! Ça va sentir comme le restaurant! T'es encore en train de t'ouvrir une bière, maudite alcoolique! On se créerait dans une réserve avec des calices d'autochtones! Le ministère de l'Immigration vous rappelle que l'intolérance raciale, c'est inadmissible au Canada. Le Canada, qui est, je vous le rappelle, le meilleur pays au monde. Mais ça, on est bien meilleur que toutes les calices de barbares qui vivent au bout. C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase, oui. Je te donne mon lexique. C'est toi qu'on leur explique. Ne me dérange pas pendant l'exercice. C'est le slang de Montréal. Yo, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. Yo, c'est comme ça qu'on jase, oui. Oh, c'est intéressant, ça, cette chanson-là. Tous les beaux mots de la rue que Cyrano de Montréal nous apprend. Oh, je pense qu'avec ces mots-là, je vais être capable d'aborder les gangs de Noirs pour aller m'acheter du pot au métro Saint-Michel. Bon, je m'en allais demander à cette gang de Noirs-là. Yo, G, t'es en forme? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai dit yo, G, t'es en forme. C'est du slang de la rue. De quoi tu parles, là? Ben, là, voyons donc, vous êtes censé comprendre. Hey, fous le camp, toi. Hey, wow, wow, wow, les gars, là. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est moi. Ah, salut, Robert, comment ça va? Pas tellement bien. Il m'est arrivé une bad luck. Pas encore? Je me suis fait casser la gueule. Qu'est-ce qui t'est arrivé, là? C'est parce que j'ai voulu aller m'acheter du pot. Puis j'ai demandé à des Noirs au métro Saint-Michel, puis ils se sont tous revirés contre moi. Mais c'est évident, Robert. C'est le bon Dieu qui te punit pour les petits nègres en plâtre que t'as mis dans tes plates-bandes. Ben, je trouvais ça beau, moi, des petits nègres en plâtre sur mon terrain. Mais oui, mais je te dirais rien si c'était des plates-bandes de jonquilles, Robert. Mais t'as pas planté des jonquilles dans tes plates-bandes, t'as planté du coton. Tu sais, 15 tinoirs en plâtre d'une plate-bande de coton, Robert. Afin de faire la lutte à l'intolérance raciale, Santé Canada s'est joint à Immigration Canada afin de vous offrir de nouveaux messages d'avertissement sur les paquets de cigarettes. Ah, ça fait-tu du bien, toi, une petite pause Benson & Hedges? Mais pour moi, c'est plutôt la pause crévenée. Hey, avez-vous vu ça? Gang, sur les paquets de cigarettes, les nouveaux messages d'avertissement sur les paquets. Ben oui, hein. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme message sur votre paquet? Sur mon paquet, c'est écrit... Les noirs dansent bien. C'est vrai qu'ils dansent bien, les noirs. Ils dansent bien. Hey, non, mais checker ça, moi, sur mon paquet, ce que j'ai. Franchement, c'est écrit les Indiennes sus. Les Indiens qui ont inventé le Kamasutra. T'es bien bon, peuple, ça. Hein? Et toi, Marcel, c'est quoi ton paquet, toi? Moi, j'ai... Ouais? Les Chinois, ils ont le tour. Hein? Ah, ben ça, c'est vrai, ça, ils ont le tour, les Chinois. Oh, c'est du bien bon monde, ça, les Chinois. C'est tellement du bon monde, les Chinois. Moi, on est en train de dire rien que des bonnes choses, ces autres ethnies. C'est une bonne chose, les messages d'avertissement. Ah oui, ça nous ouvre aux autres cultures. Santé Canada et Immigration Canada unissent leurs voix pour vous dire « Fumer, c'est cool! » Et cette émission sur l'intolérance raciale qui tire à sa fin. Et quoi de mieux pour boucler la boucle que de donner la parole aux ethnies et de les laisser rire, eux autres aussi, des Québécois. Yes, sir. Donc, on vous laisse avec un message d'espoir avec notre chanson « Main dans la main ». Une chanson qu'on a fait en collaboration avec Olivier Pépin. Et dans cette chanson-là, il y a des extraits de monologues d'un humoriste d'origine indienne qui s'appelle Sugar Sammy. Et écoutez, on a trouvé ça très drôle. Oui, on a littéralement craqué pour lui. Alors, bonne semaine tout le monde. Main dans la main. Alors, après 30 ans de vie au Québec, je trouve que le peuple québécois, c'est un peuple accueillant, généreux. En général, ils sont bien corrects. Il y a deux sortes de Québécois. Okay? T'as les Québécois qui sont éduqués, cultivés, bien élevés. Puis t'as ceux qui ont voté oui. Qu'est-ce que je pense des Québécois? Je pense que c'est un peuple qui aime les chichetawok, là. C'est quoi la différence entre un Québécois et une patate? La patate, elle est cultivée. Les Québécois, des fois, OK, je vous trouve pas, OK. Des fois, je vous trouve pas mal poli, mais je vous trouve maladroit, des fois, OK. Des fois, OK, parce qu'un Québécois, il est venu me voir juste avant le show, il était comme, « Hey, t'es dans le même bronzé, toi? » Tu sais, je travaille avec un Africain. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je savais pas quoi dire. J'étais comme, « Hey, t'es donc bien Québécois, toi? » Je connais quelqu'un sur le BS. Mais dans la main, il n'y aura plus de guerre, plus de frontières. Demain sera meilleur qu'hier. Mais dans la main, les Wallons, les Flamands, les Berbères, les Mongols, les Wops, les Blocs, les Chintok et les Polocs. Les Arméniens, les Albanais, les Sri Lankais. Mais dans la main, on va pouvoir enfin se dire que tout est bien. Qui finit bien, on va tout faire une ronde. Puis ça sera plus rien que les Mexicains qui vont pogner pour avancer les fraises. On va se bourrer la face dans Moussaka. Faire des brochettes de porc s'enculer comme les vieux philosophes grecs. Puis en Ukraine, les vieilles traditions vont disparaître. On va pouvoir enfin boire sous la table sacrée son cœur sans dire au revoir siffler en dedans. Puis le monde va se mettre à connaître bien plus d'ethnies en Afrique. On va vous en nommer une coupe. On a les Vélés, les Piris, les Batas, les Pissi, les Bacas, les Batas, les Bottas, les Boulis, les Bétés, les Béguis, les Batons, les Bolos, les Bolos, les Bananes, les Gaulois. Ça, c'est rien qu'une coupe commence avec B. On a toutes les feuilles par passer, fait qu'on s'en va dans les S. On a les Chocos, les Séguins, les Célés, les Sambas, les Sabots, les Chocos, les Séguins, les Solos, les Sotros, les Salambalam. Puis on dira plus jamais que les Esquimaux, c'est comme des Mexicains avec un compte de poêle. Mais il y a les Français aussi! Les Français, les Français! Ils font de la musique cucu! Ah, mais je peux pas vraiment dire le contraire! Vidon la dans la question! Hey, ça porte à penser, ça, cette capsule humoristique de Vidon la dans la question sur l'intolérance raciale, diffusion originale 4 mars 2008. Ouais, faut quand même pas être trop susceptible hein, pour écouter cette. Faut avoir. Ouais. Il tire sur tout le monde, donc au moins ça a ça de bon. Hein. Ouais, c'est ça, sur les Québécois aussi. Là. Ouais, ouais. C'est sûr que c'est pas. Leur intention est pas raciste, là, certainement. Du tout. Ils veulent juste faire parler, discuter et penser. Voilà, ces deux philosophes grecs. Comme dans la chanson. Vidon la question, c'est Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. Leur site web est au www.vidonladonsanslec.com. Vidonladonsanslec.com. Et on trouve leur chronique chaque semaine, les jeudis, ici à Assemblage Requis. Parfait. Donc, on va retourner en musique, nous, Mathieu, avant de recevoir Philippe Antaya, qui s'en vient dans quelques minutes. On va aller écouter un extrait du palmarès anglophone, Tegan and Sarah, et la pièce Arrow à Assemblage Requis. Toujours à l'émission Assemblage Requis en compagnie de Kibon et Mathieu, et c'est maintenant le moment où on accueille Philippe Antaya pour parler du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Zone Campus qui attire toujours les mouches publicitaires. Aussitôt qu'on dit non, ça devient comme quasiment fatigant. C'est Zone Campus. Est-ce que vous l'avez dit à outrance avant que j'arrive, là? Parce que ça fait un petit bout que je suis pas venu à l'émission. T'as sauté un numéro sacripant, toi? Ouais, ben je t'allais guérir mon cancer du rein, puis... Prompt rétablissement. Là, maintenant, je suis en pleine forme. Ouais. Ben, pas prompt rétablissement, d'abord, c'est remis en forme. Ouais, ça a été quand même assez rapide. Donc, Philippe Antaya, qui est rédacteur en chef du journal Zone Campus, qui va nous aider à faire un petit peu le tour de ce beau journal, volume 5, numéro 11, en kiosque du 1er au 14 février. Donc, beau début de mois. Oui, d'ailleurs, belle couverture. Oui, remplie de corps. Oui, on voit les personnes qui sont allées faire le bain de neige lors du carnaval, parce que ce qui fait la couverture de ce numéro-ci, c'est justement le carnaval étudiant du jamais vu. Mais qu'est-ce qui est du jamais vu? Ben, en fait, c'est pas le carnaval qui est du jamais vu, parce que c'est le 22e. C'est pas le premier du tout, là. Non, mais c'est le taux de participation. Ah. On a une participation record cette année. Toutes les associations se sont données à fond, je dois en témoigner. J'ai même été une partie intégrante de ce carnaval, malgré moi. Ah oui, comment ça? Je faisais partie de la course aux objets, croyez-le ou non. Les gens te prêtent pour un objet, ça? C'est comme un objet, une pièce de viande. Concluez-en ce que vous voulez. Une mais oui, je devais me faire prendre en photo. Puis une photo de monsieur le rédacteur en chef donnait des points au carnaval. Imagine, tu sais. C'est mais bien bon, juste là-dedans que ça pourrait te donner des points, ça. C'est pas avec les filles que tu vas... OK. Ça ne me dérange pas. Ça convainc personne. Mais oui, c'est ça. Franc succès, le carnaval étudiant, le 22e. L'association qui l'a emporté, c'est Psychoéducation qui s'est donnée à fond dans toutes les activités. Autant que toi dans les liaisons. Et voilà. Tu te donnes à fond. Qui l'a emporté. Alors voilà, un texte sur le carnaval étudiant. Un texte également de l'Association générale des étudiants de l'UQTR. Maintenant qu'elle est indépendante, on le sait, ça l'a fait trois fois la une du journal. Ben oui, ça n'a pas d'allure avec la feuille toujours. Et on en parle encore. Évidemment. Mais c'est que là, maintenant qu'elle est indépendante, l'AGE regarde ses options un peu partout, à savoir est-ce qu'elle va s'affilier, est-ce que ça vaut la peine de le faire. Mais à quoi est-ce que s'affilier? Est-ce quoi? Bon, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Qu'elle s'affiliationnerait, c'est ça que tu veux me dire? Oui. OK. Ben, il y a l'AC. L'Association pour une solidarité syndicale étudiante, je crois que c'est ça. Mais en tout cas, il y a celle-là, il y a la TASEC. Donc là, maintenant, ce qu'elle fait, elle s'est donné un mandat d'un an. Ben, les administrateurs du conseil d'administration ont donné au conseil exécutif de l'AGEQTR un mandat d'un an. Ça fait trop de mots, là, endors-toi pas, Mathieu, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. Elle a donné le mandat d'aller voir ce qui se faisait un peu partout ailleurs. Puis là, durant une période d'un an, l'AGE va voir est-ce que ça vaut la peine, quelles sont les options, quelles sont les plus favorables. Ils vont se laisser cruiser, finalement. Et voilà, l'AGE va se faire désirer. Mm-hmm. T'as tout compris, Kiwan? Wow! Donc, c'est ça. Mais entre-temps, elle travaille quand même encore avec la FOG sur certains dossiers, dont le programme de canadien de bourse aux étudiants. Et puis, les étudiants... Tu veux que je fasse des liens? Oui. Ben, je vais en faire. Elle travaille aussi sur le dossier des étudiants internationaux. Et qu'est-ce qu'on retrouve en page 3? Un article là-dessus, je te gagne. Eh oui! Wow! Eh ouais! Me voilà à bouche bée. Ben, les étudiants internationaux qui se sont mobilisés la semaine dernière, parce qu'on sait que depuis quelques années, leur prêt de scolarité hausse de façon faramineuse. Là, on parle d'une hausse de 16% pour les étudiants internationaux. Le gouvernement avait augmenté de 6% leur frais de scolarité. Et puis, elle a donné le droit aux universités à savoir si elles veulent le faire de 0 à 10% supplémentaire. Donc, l'UQTR a dit, nous, on augmente ça de 10%. Donc, 16% de hausse des frais de scolarité pour les étudiants internationaux qui, eux, ne sont pas contents. Donc, la semaine dernière, dans le hall d'entrée, se sont mobilisés pour sensibiliser les gens à leur cause et pour faire pression un peu sur l'UQTR, savoir comment elle va réagir dans ce dossier-là. Et là, on reste dans l'international pour le prochain article sur le séisme à Haïti. Exactement. Ben, en fait, c'est autant l'université que la CREPUC, la conférence des recteurs et rectrices des universités du Québec. La conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec qui appelle toutes les universités à aller de générosité en offrant leurs dons pour Haïti, pour les sinistrés d'Haïti. Puis aussi, lors du carnaval, les associations, les différentes associations étaient appelées à ramasser de l'argent. Ils ont ramassé, je pense, 2 000 $ qui est envoyé à la Croix-Rouge pour ça, pour aider les sinistrés. Et voilà. Ouais. Je viens de remarquer dans ton éditorial qu'il y a ta photo maintenant pour les gens qui veulent savoir de quoi tu as l'air, là. Ben, c'est une nouvelle photo. Il y en avait une avant, je pense. Elle était 40, hein, les gars? 40. Wow! 40. Non, c'est pas ma préférée. Mais... c'est toi qui as quand même choisi de la mettre là. Ouais. Ah, mais en tout cas, c'était un contretemps, ça s'est ramassé là, mais ça me dérange pas ben. Moi, c'est plus ce que j'écris que ce que j'ai de l'air. Bon, donc de quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que t'écris? Ben, je parle de l'implication étudiante. C'est difficile, l'implication étudiante. Pas nécessairement pour ce qu'on fait, mais pour les personnes qui entourent, les personnes qui s'impliquent. Parce que on donne, on compte plus nos heures, puis les personnes qui nous entourent sont peut-être pas nécessairement dans le même mood, si je peux employer l'expression. Puis ça devient un cercle vicieux, tu rentres dans le processus, puis finalement, ça devient presque ta vie. Puis tu négliges tes études, tu négliges ta vie personnelle et sociale, donc c'est pas facile. Ouais. Et parlant de ça, le lien que tu veux faire, je te gage, c'est quelqu'un qui a démissionné de la GEQTR, une fille qui s'impliquait beaucoup. Ah non, je voulais parler du nouveau certificat en traduction, moi. Non, tu m'as eu! J'ai vraiment pensé que c'était ça. Mais non. Ben oui, un nouveau certificat en traduction, mais j'allais bel et bien parler de deux démissions qui ont lieu à l'UQTR. Entre autres, la présidente de la GEQTR. C'est pas n'importe qui, là. C'est, elle était au sommet, là. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais c'est pour une bonne raison, une très très bonne raison. Oui, ben c'est ça. Elle est présentement enceinte de son deuxième enfant. Mm-hmm. Puis elle a certains problèmes. Puis également, elle négligeait ses études avec son implication. Fait que finalement, elle a préféré laisser son poste. C'est le vice-président aux affaires internes qui assure l'intérim de la présidence jusqu'aux prochaines élections qui vont avoir lieu au mois de mars, je crois. Qui est? Frédéric Desrues. Ah, quelqu'un qu'on connaît. Oui, qu'on voit partout tout maintenant. Le temps. Oui, bon ami. Frédéric Desrues. Frédéric. On peut l'appeler Fredo. Fredou. Aussi. C'est tellement pas à propos. Alors, si vous voyez M. Desrues, appelez-le Fredo. OK, donc... Ah, il va m'aimer. Il va m'aimer. Changeons de sujet un peu. Nouveau certificat en traduction, comme tu le disais, il y a un article là-dessus. Ouais, ben c'est ça, les personnes qui veulent s'inscrire, ça peut se suivre à distance, ce cours-là. En terminant, dans la section actualité, je peux parler du concours d'affiches qui va avoir lieu à l'UQTR. C'est les personnes représentent leur projet de recherche sous forme d'affiches, donc... Avec un seul coup d'œil, on peut constater quelle est l'ampleur de leur recherche. Puis, nouveauté cette année, c'est que les étudiants de premier cycle maintenant peuvent s'inscrire, peuvent participer à ce concours-là. Puis, on peut recevoir jusqu'à 1 000 $ en prix, ce qui n'est pas rien. Ben non. C'est pour faire quelques petits dessins. Là, un croquis, ça. Si on veut. Ouais, ben on peut gagner 1 000 $. Bon. Et on peut aussi gagner des bourses pour... Il y a un nouveau programme de bourse d'excellence, si ça vous intéresse. C'est dans le journal. Et voilà. Bon. Maintenant, toujours dans la section actualité, sous-division opinion. Appelons-la la section opinion. Si tu veux. La section opinion. Et le thème dans la section opinion? L'amour. L'amour. Bon, petit capin. L'amour. La Saint-Valentin qui s'en vient à grands pas. Hein? Hey. Moi, j'ai acheté ma couche, mes flèches, mon carquois. Ça, c'est l'affaire pour mettre les flèches. Et voilà. D'accord. C'est un arcois, carquois, en tout cas. J'ai le kit. Puis, n'importe quoi. Je suis sûr que t'es bien cute. Bien cute. Ben oui, comme d'habitude. C'est ça, il y a un texte sur la Saint-Valentin, un texte de Marie-Noël Marino qui nous suggère que la Saint-Valentin devienne une journée fériée. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour vrai, mm-hmm. C'est vraiment son opinion. Ben, comme le titre l'indique, là, ben, j'avoue que n'importe quelle fête religieuse par rapport, là, que personne célèbre vraiment pour sa vraie cause. Pourquoi pas mettre la Saint-Valentin dans le paquet, là? Ben, elle a des bons arguments. Bon. Ouais. J'en doute pas. Marino Bis. Et puis, Christian Cyr qui signe un texte. Sur quoi donc? Ben, encore là, sur l'amour, mais lui, c'est pas sur la Saint-Valentin, mais bien comment se guérir de l'amour. Si, par exemple, on vit une peine d'amour, il y a des façons, dont certaines très drôles, lorsqu'on n'est pas capable d'arrêter de s'imaginer la personne qu'on aime. Ben, on s'imagine ses défauts, puis on les amplifie. Moi, je trouve ça génial. Wow. Je trouve ça génial. Et là-dessus, on écoute RBO, le feu sauvage de l'amour. Qui va? Non? C'est pas vrai? Non, mais je suis pas un jukebox, là. Ah, mais... j'étais sûr. Pourtant, j'ai pesé ça. OK. Pour terminer la section opinion, je sais pas où je m'en vais avec ça. La section opinion, le Vox Pop, comme toujours, vous demande une question, j'allais dire, une question profonde. Mais oui. Avec sarcasme, mais dans ce cas-ci, c'est vrai. Oui, puis c'est ça, je voulais pas troubler les gens, mais quand même, qu'est-ce que les gens ressentent face à ce qui arrive présentement à Haïti? Puis, de l'empathie, les gens appellent à la générosité, il y en a même qui sont prêts à se rendre là-bas pour aller les aider. Ah oui. Donc c'est pas rien, mais il y a personne qui est insensible face à ce qui arrive présentement, là. Même si on a vu plusieurs images, puis que des fois ça peut être tannant de les revoir à répétition. Mais quand même, les gens ont de l'empathie face à ce qui arrive là-bas. Tout à fait. Parfait. Avant de continuer avec les arts et spectacles et les sports, qu'est-ce que vous diriez si on faisait une petite pause musicale? RBO, go! Oui, ben voilà. J'ai trouvé du RBO. Non, c'est pas vrai. Ah. Mais Mathieu, tu vas courir trouver du RBO pendant qu'on va écouter une pièce de Bravo Funkin. Ça s'appelle « Ta mère va danser ». Donc, on l'écoute tout de suite, Bravo Funkin. C'est la chanson karaoké que t'as trouvé là en plus. Oui. On pourrait tous chanter ensemble. On pourrait toutes la chanter ensemble, ça serait magnifique. Il n'y a personne qui participe à part moi. Ben là, participer, c'est un grand mot. Quand tu dis que tu participes, là, à part d'être couru aux archives pour trouver la pièce. Moi, j'essaie de chanter par-dessus, tu sais. Ouais, t'essayes, c'est un bel essai. Pas fort, mais quand même. Moi, vous voulez pas m'entendre chanter. Ah non? Non. Ah, soudainement, j'ai comme envie, là. Ben non, parce que ça serait comme accentuer mes défauts. Puis là, comme ça, vous me dites. Ouais, je comprends. Toujours avec Philippe Antaya, rédacteur en chef du journal Zone Campus, qui est en kiosque jusqu'au 14 février. On a fait les actualités tantôt. Il nous reste arts et spectacles et sports. Commençons par les Arts and Spectacles. Oui, un spectacle de Jean Leloup qui a eu lieu la semaine dernière. Ah. Où il y a deux semaines, un spectacle qui avait été reporté depuis le mois de décembre ou novembre. Mais bon, bref, Johnny Guitar, comme il se fait appeler présentement. Mais qui s'est donné 2h30 de temps. Il a joué les pièces de son récent album. Il a joué des classiques aussi. Ça a l'air que c'était tout un spectacle. Tout un pestac. Que les billets étaient très, très chers. Le commentaire que j'ai beaucoup entendu, puis j'ai pas lu l'article de Mélissa Beaupré, mais le commentaire que j'ai beaucoup entendu, c'est qu'il jouait surtout la plus grande partie du spectacle, c'était des pièces récentes de son dernier album, Il excuse Milady. Il a pas joué beaucoup là, de ses grands classiques. Vers la fin, je pense qu'il s'est donné un peu plus. Puis il se souvenait même plus des paroles, vu que ça faisait longtemps, puis il s'en excusait. Mais bon, wow. Jean Leloup, c'est demeure Jean Leloup. Voilà. C'est un personnage. Et voilà. Également, un texte sur les nuits polaires qui avait lieu en fin de semaine. Oui, qui viennent de se terminer, là. Oui, ouais, on avait un spectacle des Trois Accords vendredi dans le Parc Champlain. Il y avait également Radio Radio et puis Creature le samedi et Nicolas Pellerin le dimanche. Il reste plein de bière. C'est quoi, il reste plein de bière de ça? De quoi tu parles? Ça a pas sorti les bières? Non. Non? Non, ben, non mais très, en tout cas, ça a été une réussite, finalement, oui, les oui. nuits polaires. OK. Ça se confond un peu, tes affaires. Ouais, j'en ai trop bu, des bières. Ah, j'ai échoué à la fin? Ouais. Ah bon? On parle aussi un petit peu de la Galerie R3, programmation de cette année, quoi? Une année chargée, ben pour l'hiver 2010, là. Pour l'année de l'hiver. Et ouais, ben il va y avoir plein d'expositions. Il y en a qui ont eu lieu, ben une à chaque mois environ. Il y en a une, d'ailleurs, que je peux dire, qui commence le 16 février jusqu'au 26. Donc, c'est Lumière. Est-ce que tu parles de Lumière? Ben oui. Lumière. Mm-hmm. On a justement l'affiche devant nous, un événement interdisciplinaire en arts et sciences, 15 au 26 février, lundi au vendredi de 9h à 19h. Le vernissage va être le 17 février à 16h au Centre de diffusion des arts et des sciences R3 de l'UQTR. Plusieurs professeurs du département des arts vont être là, vont participer. Et des chargés de cours, oui. On m'a dit. Oui, chargés de cours. Qui enseignent, des enseignants. Bien dit. Bon, c'est très bien dit, je trouve. Ben oui. Dans le journal, on parle de la première exposition qui est passée, celle-là qui était Expo 10 et qui a quand même profité d'une drôle de façon, mais qui a profité quand même d'une grande affluence de gens à cause des réparations qu'il y avait dans le pavillon. T'avais pas le choix de passer par là. C'est ça, le trafic était dévié au travers la galerie 3R. Donc, la porte principale du pavillon Néré-Beauchemin était barrée parce qu'il refaisait le système de je sais pas quoi, qu'il avait du plancher. C'est ça, donc il fallait obligatoirement, pour sortir du pavillon de ce côté-là, fallait passer au travers la galerie 3R. Puis moi, je pense que s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais peut-être pas été voir l'exposition. Mais finalement, j'ai passé plusieurs fois puis j'ai trouvé ça vraiment très beau. Donc, on s'entend que la solution pour la galerie R3, s'ils veulent avoir plus de gens, verrouillons la porte du Néré-Beauchemin. Et voilà. Non, non, mais tu sais, ça a l'air négatif, là. C'est quand même, tu sais, c'est plate pour eux de dire ça, sauf que ça leur a quand même permis de se faire connaître, je pense, même si c'est d'une façon un peu plate, mais ça a quand même marché. Mais c'est vrai parce que la galerie, disons qu'elle n'est pas le meilleur endroit pour... C'est ça. Tu y vas parce que t'es perdu. T'sais. C'est un peu dans un creux, dans un fond de corridor, là. Ouais. Mais maintenant, on sait c'est où. Et voilà. C'est à côté de la chapelle, pour ceux qui connaissent la chapelle. Bon. Voilà. C'est ton chum La Chapelle, là? Oui. Carnaval étudiant, il y avait du ska là-bas. Ouais, ben pour le show de la première journée, pas d'entrée du carnaval, le show... Le lancement du carnaval, oui, en soirée. Il show avait, bienvenue, si on veut. Il y avait Brixton Robber, The Beatdown, dont j'ignore complètement c'est qui. Je sais pas si vous les connaissez. Non, malheureusement. Malheureusement, mais c'est pas parce qu'on connaît pas ça que ça n'existe pas. Bon. Ah. Bien dit. Mais surtout les Planet Smashers qui étaient là. Et... malheureusement, ben c'est un groupe quand même ska assez connu, là. Il n'y avait pas full. T'es en train de dire que c'est connu? Qu'est-ce que c'est connu? Mais ouais, c'est ça, il n'y avait pas énormément de monde, là, mais ils ont donné un bon spectacle. Mais aussi, le problème, c'est qu'ils ont débuté leur spectacle, les Planet Smashers, à minuit. Eww, wow, à minuit, ouais. Quand tu commences à boire du café Belize à 9h le matin, t'es pacté. La journée est longue. Ouais, c'est ça. Le lendemain aussi, il peut être tough. Mm-hmm. Ouais, ben c'est pour ça qu'il faut reprendre un café Belize. Je pense que c'est pour ça qu'il y avait ça tous les jours au 10-12. C'est pas fou quand même. Mm-hmm. Faudrait continuer le reste d'année. Les concepteurs du 22e carnaval étudiant, là. Ils en ont là-dedans. Ils l'ont l'affaire, ils l'ont. Et puis, on parle aussi d'une soirée complètement burlesque. Ouais, ben le lendemain, le mardi du carnaval, il y avait un spectacle d'humour avec des humoristes de la relève et le clou de la soirée, Stéphane Fallu, que je croyais qu'il était toujours dans la relève, mais bon, ça fait peut-être presque 10 ans qu'il fait des spectacles. Mais il était là, puis c'était burlesque. Bon, pour les sports, il faut fermer le journal et rouvrir à partir de la dernière page. Hein? Ouais. C'est spécial comme ça, les journaux. Ben, c'est comme ça, les sports. Tu sais, les sportifs... Je connais ça Internet. Ben, encore là, dans le cadre des activités du carnaval, il y avait un match entre les Patriots et les Redmen de McGill. Et puis, les Patriots ont écrasé les Redmen 8-2. Wow! Leur éternel rivaux, puis... Tu vas être surpris, mais j'étais là. T'étais là? J'étais là. Au commentaire. T'étais perdu? Ouais. Non, j'ai pitché des gourdes dans la foule. C'était le fun. Ah, ça aurait pas commenté la game. Non, une chance. T'imagines-tu moi en train de commenter une partie de hockey? Hey, il y a un gars qui patine par là-bas, puis il essaye, puis ouais, hey, double, non, mais faut ça. Mais comment t'as trouvé le match? C'est plate à mort du hockey, sérieux. Mais non, les Patriots, c'est super le fun. J'encourage tout le monde à y aller. Yeah. Ben, il y avait sûrement plusieurs personnes qui n'avaient rien à foutre du hockey, mais il y avait. Pour l'ambiance. Il y avait plusieurs personnes, parce que ça aussi, je pense que ça valait des points pour le carnaval. Il y avait 1000 personnes, il n'y a jamais ça au Colisée de Trois-Rivières. Donc, plusieurs étudiants, il y en avait qui étaient maquillés. Mascotté. Oui, il y avait un concours de mascottes et 3 mascottes étaient là et se sont battus pour gagner le prix. Puis c'est une des 3 qui a gagné. Là. Ouais. Le résultat du concours, c'est ça. Ah ouais, c'est la survivante. C'est ça. C'est vraiment un des 3 participants qui a gagné. Wow. Dur à croire, mais vrai. Bon, bref, sérieusement, les parties des Patriotes, il faudrait que plus de gens y aillent. Bon. Ben là, il y avait de l'ambiance, c'était l'euphorie. Sérieusement, moi qui ai couvert les matchs de hockey pendant 2 ans ici pour la zone campus, je n'ai jamais vu ça. Même dans les autres universités, là, c'est sûr que c'est un événement spécial parce qu'on célébrait aussi le 40e anniversaire des Patriotes, de l'université plutôt, et des Patriotes en même temps. Là. Mais j'ai jamais vu ça. Jamais. Bon, continuons les sports. Maintenant, soccer. Ça va moins bien pour le soccer masculin et féminin, le soccer intérieur. Toujours pas de victoire. Toujours pas de victoire. Puis ce qui est difficile, c'est qu'on peine à marquer des buts. Donc déjà, si on est capable de pas en accorder, mais si on n'en marque pas, on n'est pas plus avancé. Donc c'est difficile d'avoir du positif, mais bon, on leur en souhaite quand même. Maintenant, à la section des sports, les dernières pages, il y a du nouveau. Oh, des jeux! Ouais. C'est ça que tu veux dire, des jeux! Un Xbox. Oui, on peut jouer au Xbox avec le journal maintenant. Tu le plies comme faux, là. La Wii. C'est ça. Ben, le plan va être dans le prochain journal. Le plan d'assemblage? Ouais. Hey, tu fais des liens avec notre émission, toi. Et voilà. Ben, j'ai volé les droits d'auteur. Non! Ben, non, on retrouve des jeux, des mots croisés puis sudoku. Donc, c'est pas fin ce que je vais dire, mais si votre cours est plate, prenez donc Zone Campus, faites un mot croisé. Puis le pire, c'est qu'il y a des articles à côté. Fait que vous avez de la lecture et des jeux. C'est comme un divertissement en soi, ça, le Zone Campus. Et voilà. Bon. Robert Roy avec le lancement de son 7e DVD d'exercice. Oui, ancien étudiant de l'UQTR en kinésiologie. Aérobin, mieux connu sous le nom de. Ouais, ben il y a le studio Aérobin. Puis d'ailleurs, son DVD est très bien coté. Il y a Étienne Boulay, un des joueurs des Alouettes de Montréal, qui devait les évaluer. Puis il a évalué plusieurs DVD et a jugé que celui de Robert Roy était le meilleur. Wow. Donc, c'est pas rien. C'est quand même. Moi, je pensais que t'allais dire qu'il était aérobin coté. Ah, ah, ah! Bien coté. Ben, c'est parce que je voulais pas te voler le punch. Ben oui, mais là, essaye-toi un peu. Qui n'essaye pas ne réussit pas. Okay, ben, en terminant, je peux parler des Patriotes Natation, qui ont bien excellé. Ça a bien été la 3e Coupe universitaire de natation. Malheureusement pour eux, aucun nageur qui va se rendre au championnat québécois, provincial. Mais bon, ça progresse toujours. Et puis aussi... On sait qu'il y a une patinoire sur le campus. Oui, gratuite en plus. Ouais, donc si vous voulez amener vos patins, vous pouvez aller, c'est derrière le CAPS, près du terrain de soccer extérieur, il y a une patinoire. Alors vous pouvez aller patiner. Ne pas aller à vos cours, aller patiner. et patiner. Ce que je voulais dire en terminant, c'est les deux patriotes de la semaine. On parle de Stéphanie Rousseau, de l'équipe de féminine de soccer, et puis Félix Petit, le petit nouveau. ça a sorti vraiment seul. C'était un bon jeu de mots, on va te donner un Félix. Mais c'est ça, des patriotes hockey qui, là, maintenant, fait flèche de tout bois. Cupidon. Tu vois. Bon, là, ça fait. Là, ça va faire. Ça va faire. Hey, merci d'être venu nous présenter ton petit tour. Et puis, si on peut redire la morale aux gens, ce que Philippe vous conseille, c'est de prendre le journal, jouer au jeu, lire les articles pour écouter à votre cours, et puis vous allez finir très gagnant. Oui, puis vous allez connaître toute l'actualité qui se déroule sur le campus, parce que tout y est là-dedans, dans le zone campus, le numéro 11, qui va être là du 1er au 14 février. Dans des différents kiosques. Oui. Et si vous pochez votre cours, le local de Philippe Portaillet est à côté du 10-12. Vous viendrez vous plaindre. 10-12, pavillon Ringuet, c'est ça? C'est ça, oui. Et autrement, si jamais vous ne pouvez pas vous rendre, zonecampus.ca. Oui, c'est en direct live là-dessus. Parfait. Donc, on te retrouve dans deux semaines, jeudi dans deux semaines, c'est ça? Et que oui, je vais être là, à moins de prendre une autre maladie, je sais pas, mais je vais être là. On t'envoie nos baisers, Philippe! Attention, là, parce que vous pourriez attraper la maladie du baiser. Hey, ben, bonne fin d'émission. Bye. Merci. Philippe Portaillard, rédacteur en chef du journal Zone Campus. Et c'est ce qui termine la première heure, Mathieu, l'émission. Ah, c'est là-dessus qu'on se laisse. Ben wow, oui, comme ça. Ah, comme ça. Là, je suis plus dans mon élément. Donc, dans la deuxième heure, on va recevoir, entre autres, Stéphanie Gagné, qui va venir nous parler des années 80. C'est ça, on ne sait pas encore c'est quoi son sujet. Elle nous tient en haleine sur le bout de ses lèvres. C'est dans environ une trentaine de minutes et il va aussi avoir une chronique CNX. Oui, sur les nouvelles du futur. Restez avec nous. Bon retour sur la deuxième heure d'Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. Vigilance auditive nécessaire, plan inclus, on vous le rappelle. Et dans cette deuxième heure de l'émission, la dernière de la semaine... Oh, c'est vrai! On reçoit Stéphanie Gagné un petit peu plus tard, aussi dans quelques minutes, la chronique CNX de Mathieu. Mais pour tout de suite, on va commencer avec une nouvelle entrée du palmarès francophone. C'est le groupe Monogrenade et la pièce ce soir à Assemblage Requis. 16, only 16, so unprepared, left in the wild of adolescence and no escape. An awkward boy, an awkward girl, what could be better than laying in this bed feeling slightly less awkward together? Le groupe de Toronto, Forest City Lovers, avec la pièce Orphans, on vient d'entendre ça, à Assemblage requis. Oui, vous synthétisez toujours le 89.1 FM et l'émission s'appelle bien Kiwan et Mathieu, Assemblage requis. Maintenant, c'est le moment de parler de technologie, comme on le fait une fois ou deux ou trois ou quatre, dépendant, par semaine. Voici CNX. Nouvelles du futur. Et aujourd'hui dans la chronique technologique CNX, c'est Nouvelles du futur. Donc, on va parler de choses qui vont se passer dans un futur plus ou moins rapproché de vous en ce moment, vous à la maison et Jean. Hein? On va essayer de suivre, de faire attention à ce qu'on dit, de bien comprendre les nouvelles qui sont dans ce bloc. Donc, Sixth Sense, une technologie qui va révolutionner l'interaction avec le monde virtuel. C'est ce qu'on nous dit sur branchezvous.com. Dans l'article que j'ai posté sur assemblagerequis.com, il y a une vidéo de Ted India qui est un incontournable, dit-il, pour obtenir un petit aperçu de ce que nous réserve le futur en matière de technologie. Un doctorant du MIT, Pranav Mistry, il présente entre autres son système, nommé Sixth Sense. Il s'agit d'un dispositif portatif qui introduit un type d'interaction inédit entre les mondes physiques et virtuels. Il cesse de considérer ces deux mondes comme étant distincts. Principalement, Pranav Mistry s'est intéressé à la façon dont les objets du quotidien et les mouvements de l'individu peuvent être intégrés au sein d'une interaction avec le monde numérique. Son objectif est de parvenir à utiliser un ordinateur de la même manière que l'individu interagit avec le monde physique qui l'entoure, c'est-à-dire de façon très intuitive. Plus précisément, M. Mistry s'est attardé à tenter de garnir le monde physique avec les informations issues du monde numérique, dans le but de libérer les pixels et de les introduire dans la vie de tous les jours. Comme assez mystérieux. Après avoir enchaîné sur une suite d'outils qui permettent au monde physique d'interagir avec avec le monde numérique, le clou de la présentation est néanmoins ce qui pourrait bien représenter la technologie du futur, le Sixth CitySense, oui. Ce système permet à un utilisateur de transporter son monde numérique avec lui en tout temps. Par exemple, elle permet de prendre des photos simplement en cadrant l'image à prendre avec ses doigts. C'est comme on fait le petit mouvement cliché, là. Sans avoir à sortir son appareil photo. Il faut aller voir la vidéo, ça a l'air assez complexe. Bon, donc la vidéo est dans l'article sur assemblagerequis.com et ça nous dit que CitySense va être éventuellement accessible à tous puisqu'il s'agit d'un logiciel libre. Bon, voilà, donc sujet d'intérêt et apparemment qu'il ne faudrait pas passer à côté de ça, donc allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com, le monde numérique dans le vrai monde. Comment ça peut marcher? Je sais pas, mais c'est un bon concept quand même. Ouais, c'est ça, c'est très conceptuel. On a de la misère à l'imaginer de façon concrète dans nos vies. Mais apparemment, c'est un vrai logiciel qui existe déjà. Ouais. Je comprends bien l'article. Certains pays travaillent dans l'ombre à la création de réseaux Internet alternatifs à des fins politiques, mais ces tentatives devraient échouer. C'est ce qu'a assuré à l'agence France Presse Rod Beckstrom, le patron de l'ICANN, l'organisme qui organise le web. Les informations qui circulent dans la blogosphère affirment que la Russie et la Chine développent de nouvelles manières d'organiser l'Internet afin de s'affranchir de l'ICANN, qui est l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, organisation indépendante, mais que beaucoup jugent trop liée aux États-Unis. Et je cite, « On ne veut pas spéculer sur le nom de ceux qui font ça, ça ne regarde qu'eux », a dit M. Beckstrom, refusant de nommer les États en cause. « Ces gens veulent tester leurs propres aptitudes à faire ce genre de choses et changer leur suffixe national. » Donc ça, c'est l'adresse qui identifie un pays à l'image du .fr français ou du .qc.ca au Québec. « Certains s'inquiètent peut-être pour la sécurité. Certains veulent avoir des alternatives au cas où des problèmes régionaux émergeraient. D'autres pourraient avoir des objectifs politiques. » Soulignant que l'ICANN visait à garder tout le monde autour de la table des discussions, il a souligné qu'un schisme de l'Internet était improbable en raison de la popularité du web. Donc l'ICANN, qui est un organisme à but non lucratif qui a été mis en place à l'origine par le gouvernement américain, s'est engagé le mois dernier à mieux rendre compte de ses activités avec un droit de regard accru pour les autorités autres qu'américaines. L'article est de l'agence France Presse. Parlons de Microsoft qui veut révolutionner les lecteurs de code-barres pour passer du papier au numérique. Assez intriguant. Donc, Microsoft est en train de perfectionner son outil permettant de lier un contenu disponible en version papier avec sa version numérisée. Pour ce faire, l'entreprise mise sur les codes-barres, donc la caméra d'un téléphone va balayer le code d'un article paru dans un magazine papier, par exemple, et sa version numérisée ou des contenus supplémentaires apparaîtra automatiquement sur le téléphone connecté. Donc, aucun périphérique supplémentaire est requis pour lire les codes-barres. C'est la caméra du téléphone qui va s'en charger. Grâce à un simple balayage des Microsoft Tags, évidemment, il fallait qu'ils mettent un beau petit nom là-dessus, permettent à l'utilisateur de se faire diriger vers n'importe quelle page web, à des brochures en ligne, vers des vidéos YouTube, etc. Par exemple, les magazines pourraient utiliser ce moyen pour offrir des contenus complémentaires à leurs articles. Et je cite, « Il s'agit d'hyperliens dans le monde physique », c'est ce qu'a dit un employé de Microsoft. Les Microsoft Tags apparaissent déjà dans des magazines et des journaux depuis quelques années, comme le Golf Digest Magazine. Ces balises peuvent aussi se retrouver sur des cartes d'affaires, sur certains produits ou des pancartes à l'extérieur de commerce. Les utilisateurs, les diffuseurs et les annonceurs peuvent même créer gratuitement leurs propres balises. Le lien est dans l'article. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité en version bêta, les intéressés n'ont qu'à télécharger le logiciel Tag Reader de Microsoft sur leur téléphone. Un large éventail d'appareils est compatible avec leur Microsoft Tags, allant des téléphones Java aux téléphones intelligents tels que l'iPhone, les BlackBerry et les téléphones roulant sous Windows Mobile. Il y a une petite vidéo aussi qui vous explique le fonctionnement des Microsoft Tags qui s'inspire de son précurseur, le lecteur de code-barre QCAT. Les infos sont sur le lien sur Wikipédia, dans l'article, sur assemblagerequis.com, toujours la même place. Hein? Donc, on scanne quelque chose et quelque chose se télécharge dans le téléphone. Donc, éventuellement, on va pouvoir scanner l'émission Assemblage Requis et avoir accès directement à tout le matériel supplémentaire sur le site Assemblage Requis. Il y en a tellement du contenu supplémentaire là-dessus. Bon. Trois mois après son lancement, plus de 60 millions de licences de Windows 7 ont été vendues, démontrant ainsi l'étendue de son succès. Cette réussite pourrait encourager le raccourcissement du cycle de développement du prochain système d'exploitation de Microsoft, avec un Windows 8 qui pourrait être lancé seulement 2 ans après Windows 7. Une nouvelle rumeur apparue sur le web récemment prédit un lancement de Windows 8, non pas pour 2012, mais bien pour juillet 2011. C'est Chris Green, un développeur chez Microsoft jusqu'en 2009, qui a lancé cette rumeur. Dans un document qu'il a rendu public sur le web, il annonçait que la bêta d'Office 2010 serait lancée en décembre 2009, que sa version définitive est prévue pour juin 2010 et que Windows 8 serait publié en juillet 2011. Microsoft a confirmé les deux premières rumeurs, la troisième est donc tout à fait crédible. dit l'article de branchezvous.com. Donc, Microsoft semble vouloir raccourcir le laps de temps écoulé entre les lancements de ses systèmes d'exploitation. Après Vista, 3 ans s'étaient écoulés avant la sortie de Windows 7. Et si la rumeur se confirme, ce délai passerait à 2 ans avec le lancement de Windows 8, se rapprochant donc du cycle de lancement de 18 mois de Mac OS X d'Apple. Voilà, donc pour l'instant, c'est ce qui se passe avec Windows 8. Je vais te laisser choisir le dernier article, Kiwan, qu'est-ce que tu en penses? Oui, vas-y. T'as le choix entre Music DNA, qui est le successeur du MP3, le Pentagone qui veut améliorer l'espionnage grâce à la technologie 3D et Samsung qui lance la production en série de dalles pour TV en 3D. La musique. Musique. Le monde de la musique est prêt pour un nouveau format, dit l'article sur la presse, dans la presse même, comprenez. Assure les promoteurs de Music DNA avec la bénédiction de nul autre que Dr. Karl-Heinz Brandenburg, l'un des co-inventeurs du MP3. Le nouveau format de compression audio enrichi est l'invention de Back Technologies qu'il a dévoilé lors du Midem à Cannes. Le format contient et emmagasine une foule d'informations additionnelles sur l'artiste, telles que les dates de tournée, des clips, des messages du compte Twitter, le texte de la chanson, etc. Or, Music DNA permettrait de mettre constamment et automatiquement à jour ces informations grâce au web. Tel quel, le format MP3 permet d'emmagasiner ce genre de métadonnées grâce à l'étiquette ID3. Hein. C'est l'ID3 dans les MP3, les petites tags là. Mais en très petite quantité. Conservant le format de compression sonore MP3, Music DNA permettrait d'enrichir l'expérience numérique de données beaucoup plus complètes et volumineuses, jusqu'à 32 gigs par fichier, tout en demeurant compatible avec les lecteurs MP3 conventionnels, dont le iPod. Pour l'instant, seule une poignée de labels ou d'étiquettes indépendantes ont conclu une entente avec la firme norvégienne Back pour produire des albums encodés en Music DNA. Excel, Beggar's Banquet, Matador et 4AD, entre autres. La firme laisse entendre que des pourparlers sont en cours avec les majors en attendant le lancement d'une application permettant de lire les fichiers enrichis et toute l'information qu'ils contiennent. Ce nouveau format pourrait devenir un incitatif à l'achat de fichiers numériques sur les plateformes de téléchargement légales comme iTunes, tant ils offrent une valeur ajoutée au format MP3 déjà adopté par les mélomanes. Certains observateurs de l'industrie suggèrent qu'une boutique comme Amazon pourrait être intéressée à adopter ce format qui entre directement en compétition avec le iTunes LP d'Apple qui a été lancé il y a quelques mois où on peut télécharger une pochette d'albums et des genres de trucs qui bougent là dans iTunes. Ben, je trouve que c'est une très bonne idée. Toi, es-tu en faveur de ça? Ouais, ben parce que je trouve, moi personnellement, acheter de la musique sur iTunes, je trouve ça un petit peu plate parce que t'as juste la musique. C'est exactement ça à quoi je pensais. C'est que présentement, la musique sur iTunes coûte presque le même prix que le format CD, puis t'as pas le CD. Ben, c'est complètement incompréhensible. Quand t'achètes un CD pour le même prix en magasin, t'as la pochette, t'as souvent un code pour le télécharger gratuitement, t'as un paquet de. T'as les paroles de la musique, t'as tout. T'as vraiment tout pour le même prix. Et le transport est inclus là-dedans. Sur Internet, t'en as pas de frais de transport. Là. Donc là, avec cette nouvelle plateforme-là, on aurait à peu près, on aurait un produit qui ressemblerait plus finalement au produit CD physique qu'on achetait avant. Ben moi, ce que je dis, c'est que ce format-là devrait être ça depuis très longtemps. Ouais, sauf que là, étant donné que c'est nouveau, faudrait pas que ça coûte plus cher qu'un simple MP3 parce que là, sinon, ça marchera pas. Très bon point. Faudrait qu'ils descendent les prix des MP3 normaux. Ouais, c'est ça. Je pense. Ouais. Non, c'est ça. Faudrait pas qu'ils chargent plus cher. Là. Faudrait vraiment que les MP3 qui sont là soient moins chers et que ceux-là soient au même prix que les MP3 de présentement. C'est ça. C'est ça. Moi, dans le fond, je me disais, il faudrait que ce soit au même prix qu'un MP3, mais si les deux sont au même prix, le MP3 va mourir, donc il n'y aura pas le choix soit de valeur moins chère ou le DNA va devoir être plus cher. Ben, ce qu'on disait dans l'article, c'est que le format resterait quand même MP3, à ce que je comprends bien. Donc, ça va conserver le format de compression sonore MP3. Donc, je ne sais pas s'ils veulent dire que ça va garder le fichier MP3. Ouais. Peut-être pas. Ouais, sûrement pas même. En tout cas, on va voir. Mais Music DNA est le nom. Et j'aimerais vraiment ça que ça marche. Ouais. Plus de gugus à avoir quand tu télécharges. Bon. Ben, c'est vrai que ce serait un incitatif là, pour les gens à acheter leur musique sur Internet. Parce qu'on en manque de raisons en ce moment. À part pour vouloir encourager le groupe, là, parce que sinon les MP3 sont disponibles ailleurs de façon moins illégale. C'est ça. Bref, de façon moins légale, ce que je voulais dire. Bref, c'est tout pour la chronique CNX pour aujourd'hui sur les nouvelles du futur. Dorénavant, sachez que CNX.zip va être diffusé les jeudis à partir de 10h. Donc, nouvelle heure, nouveau jour, même heure. Voilà. Donc, n'écoutez pas lundi. Non, ça va être toi qui va être là. Pour ta reprise, on a quand même changé de place. C'est beau. Ah ben, merci de me l'apprendre. Je te le dis juste là. Donc jeudi à 10h. CNX.zip, jeudi 10h. Et nous, pour tout de suite, on va aller écouter une platine. On n'est pas encore rendu au format DNA. Donc on va l'écouter un bon vieux, une bonne vieille pièce sur album platine. Un morceau de plastique avec un trou dedans. Exactement, on va écouter le groupe Hooded Fang avec la pièce Circles and Blocks à Assemblage Requis. child. Je l'avais dit à l'avance. Ouais. OK, go avec This Too Shall Pass. Très excellente pièce du palmarès anglophone de C'est Fou. Oui, et c'est le moment maintenant d'accueillir Stéphanie Gagné avec son thème qui part de façon très brusque. Donc, on va faire vraiment très attention aujourd'hui. Non, personne ne comprend. On va s'expliquer ça un peu avec Stéphanie Gagné. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, vous? Oui, très bien. On a annoncé depuis le début de l'émission, dans ta chronique, on dit toujours, on a répété plusieurs fois que tu allais parler des années 80, mais on ne sait pas trop de quoi tu vas parler au juste. C'est un mystère. Flou, ça. Oui, mais c'est un très grand sujet, un sujet assez plaisant, les années 80, mais ça a commencé en fin de semaine passée. J'ai écouté le film Breakfast Club. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Non. Un classique américain pour ados. C'est un film vraiment typiquement ado, avant tous les films qu'on a présentement qui sont faits sur le même moule. Et après ça, lundi, j'ai écouté une de mes émissions de Fifille, Les Frères Scott. Et c'était un spécial années 80. C'était tellement, tellement bon. Je capotais. Alors, voilà, la chronique, c'est surtout sur John Hughes. Est-ce que vous connaissez John Hughes? Le réalisateur de films qui est décédé récemment. Ouais, il est décédé en août 2009. Alors, c'est lui qui a parti tous les films très teen movie, comme Breakfast Club. Il y en a tellement, il y en a là-dedans que c'est sûr que vous allez connaître. Breakfast Club, 16 Candles, Ferris Bueller's Day Off, Pretty in Pink. Ça, c'est tous des films très typiquement américains, mais aussi plus, en tout cas, de ma génération. Home Alone, Beethoven, Miracle on 34th Street. Ça, c'était mon classique de film de Noël. Là. C'est encore mon film de Noël préféré. Et Denis la Petite Peste. Il y a aussi Flubber, d'un plus récent. Puis c'est ça. C'est à peu près ça. Donc, wow! Je ne savais pas c'était qui, mais là, t'as nommé plein de films qui ont bercé mon enfance. Voilà, c'est vraiment... il a vraiment fait des films qui ont tout changé nos vies quand on était jeunes. Il était scénariste, producteur, réalisateur. Et voilà, c'était vraiment quelqu'un de très culte dans les années 80. Alors, j'ai décidé de parler de lui parce que il a vraiment fait des films vraiment bons. Breakfast Club, c'est excellent. C'est... est-ce que vous connaissez un peu l'histoire ou non? Vous connaissez pas en tout Breakfast Club? J'ai vu une parodie de ça puis je comprenais pas les références. Ben, dans pas mal toutes les émissions, il y a une parodie et les séries télé, il y a souvent des parodies de Breakfast Club. C'est cinq jeunes qui se ramassent un samedi à passer toute la journée en retenue. On sait pas trop pourquoi au début. C'est trois gars, deux filles, toute la fille populaire, la fille bizarre, le gars intello, le gars sportif et le gars très rebelle. C'est très typé. Ouais, vraiment, mais dans ce temps-là, ça, c'était pas encore vraiment fait des films pour ados comme ça. Fait que c'est ce qui a parti les films pour ados. C'est le film pour ados qui a tout commencé. C'était original à l'époque. Ouais, puis ils passent 9 heures ensemble, puis à la fin, ben, ils sont tous amis, puis il y a deux couples qui se créent. Et, vraiment quétaine, là. Quétaine, mais vraiment bon. Wow. Vraiment. Pas votre genre de film, mais moi, je capote. Ben. C'était très bon. Mais c'est un classique. Ouais. Je dirais pas non à le voir. Bon. Ça a pas l'air. C'est pas Twilight. Mais c'est ça. C'est très bon. Puis aussi, il y avait comme le Brat Pack qui appelait, là, parce que John Hughes choisissait souvent les mêmes acteurs. Comme il y a une fille qui joue dans Breakfast Club, qui joue aussi dans Pretty in Pink et dans 16 Candles. Il y avait pas mal d'acteurs chouchous. Alors voilà, la première chanson que je vais vous faire écouter, c'est une chanson très new wave, très années 80, très très bonne que vous allez reconnaître, c'est sûr. C'est New Order avec Bizarre Love Triangle. New Order qui est les membres de Joy Division qui ont fait New Order après la mort de leur chanteur. Alors voilà, c'est la chanson Bizarre Love Triangle, chanson excellente. On écoute ça tout de suite à Assemblage Requis dans la chronique Ton plat favori. Sense in telling me the wisdom of the Qu'est-ce que je donnerais pas pour aller voir les Backstreet Boys en concert, tu sais? Ah, oh, je sais, hein, c'était tellement... J'ai jamais été aussi fille de ma vie qu'à ce spectacle-là. T'es allé l'année passée, donc ça existe encore, c'est ça? Oh, ouais, ben oui, ils ont sorti un album cette année. Ben oui. Un nouvel album. Tu parles à un fan ici, là, je savais ça, voyons, non. Mais là, on n'est plus dans les années 80, par exemple. Non, là, avec non. Les Backstreet Boys. C'est la semaine prochaine, les années 90. C'est ça. Ben, je suis pas sûr que vous seriez content, ben, si j'apportais les Backstreet Boys. C'est le directeur de la programmation qui est vraiment heureux. Ouais, je suis pas certaine. Alors, voilà. Voilà, c'était on New faisait, Order. En écoutant la pièce, on faisait un peu notre décompte de nos films d'ado préférés des années 80. Oui. Et Mathieu, tu disais que l'Oncle Buck, c'est à peu près le seul que tu avais vu. Je l'ai vu pendant les fêtes, donc c'est très, très récent. Là. C'est quand même un classique, là, ouais. L'Oncle Buck. Là. Wow. C'est très bon, oui, oui. J'ai un paquet de répliques qui viennent de l'Oncle Buck, en fait. En français, j'imagine, donc moins oui, bon. Oui, c'est ça, en c'est français, ça. Exact. Ouais. Oui, j'avais 8 ans quand je l'écoutais. C'est quand même, là, on peut pas être bilingue à 8 ans. Hein? Ben, c'est ça. Hein? Bon. Moi, je l'étais. Bon, fort en m'excuse. Mais non, mais c'est parfait, c'est correct. Donc, voilà pour c'était New Order. Oui, et l'autre chanson, c'est une chanson qui joue dans le film Breakfast Club, justement, fait que je pouvais pas passer à côté, étant donné que je l'ai écouté cette semaine. Très bonne chanson de Simple Minds, la chanson Don't You Forget About Me. C'est sûr, vous allez la reconnaître, celle-là aussi, très quétaine. Est-ce que c'est de là que ça vient, le club des petits déjeuners? Je penserais pas. Tu sais, le club des petits déjeuners, tu connais? Oui. Qui ramasse de l'argent pour les déjeuners. Ouais. Là, c'est comme Breakfast Club en français, ouais, ça. Ouais, mais je suis pas certaine que ça vient de là. Peut-être. Je suis pas sûre. Non. Non. OK. Non. Non? Non. Sûr? Absolument. On sait pas. Je suis certaine. T'es pas sûre? Oui, oui, oui, je suis certaine. Est-ce qu'on peut passer en musique, Iwan? J'attends de quitter la pièce tout de suite à Assemblage requis. T'es-tu sûr? Oui. Don't you forget about me. Don't Vous êtes à la chronique Ton plat favori à Assemblage Requis avec moi-même, Stéphanie et Kiwan et Mathieu. Et on vient d'écouter Simple Minds. Pourquoi tu ris? Non, parce que j'étais comme le dernier sur la liste. Mais bon. Je m'excuse, c'était pas voulu. Hein? T'es pas habitué, Mathieu, de pas être traité comme la vedette ici. C'est pour ça. Mathieu, ça fait longtemps qu'on t'a pas non plus appelé Mathieu Plante, barre oblique, animateur, mega vedette de C'est fou. C'est ça, j'ai comme abandonné cette idée-là à un moment donné. Hein. Mon Dieu, j'avais jamais entendu cela. Non, c'était avant toi. C'est avant moi. C'est ce qu'on appelle l'avant pain bêche. Oh, il y a un avant et un après pain bêche maintenant. Ah, oh, je me sens très spéciale. Tu vois, moi, je te complimente. Ah, oh, merci, Mathieu. Mathieu, barre oblique, quoi, non? C'est Mathieu Plante, barre oblique, animateur méga vedette de C'est fou. C'est long de complimenter, toi, par exemple. Ouais, c'est ça, mais il y a une version plus courte aussi. On l'appelle aussi barre oblique dans le. C'est ça. Non, la version barre oblique. Courte, ouais, barre oblique. D'accord. Ouais. Donc. Vers l'avant ou vers l'arrière, la barre oblique? Ah, ben ça, c'est selon les jours, hein, ça dépend. Vers l'avant que vers le futur. Il y a des meilleures journées que d'autres. Bon, c'est parler de moi, Stéphanie. Oui. Ta chronique, your favorite dish. Oui. Merci. C'est tout pour ta chronique. Oui, c'est tout pour ma chronique. La semaine prochaine, on verra. Je sais pas encore ce que je vais triper cette semaine. Toi, t'es vraiment une fille qui vit au jour le jour de ses passions. Ben, ça a l'air. Le reste de la vie est assez plate. Faut bien que je me concentre sur la musique. Oh, c'est déprimante, là. Ah, je sais. C'est j'ai travaillé, moi, aujourd'hui. Au jour le jour, mais avec un décalage de 20 ans à peu près aujourd'hui. Oui. Ouais. Donc, merci. On te remercie beaucoup, Stéphanie Gagné, et à la semaine prochaine. Oui, ton émission, ouais. La paix bêche en mission, ça s'en vient dans une dizaine de minutes. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Seulement des femmes. Juste des femmes. Oui. Girl power? Oui, spécial, seulement des filles. Avec, évidemment, Tegan and Sarah, hein, je suis quand même une paix bêche. Metric, Her, La Patère Rose, Camille, Marie-Pierre Arthur, The Doe. Julie Mas. Non, quand non? même, j'irai pas jusque-là. On n'est pas dans les années 90. La semaine prochaine. Ah, la semaine prochaine, je vais vous apporter du Julie Mars. On en promet des choses, hein, pour la semaine prochaine. Il va falloir être là. Bon, eh bien, évidemment. On est mieux de ne pas en dire tout de suite parce que sinon, le directeur de la programmation a le temps de retirer l'émission des ondes d'ici là. T'sais. On est mieux de rien dire, le mettre en ondes et puis se faire avertir après. C'est ça. C'est ça. C'est la morale de l'histoire. Voilà. Donc, merci, Stéphanie. De rien. À chaque chroniqueur, on dit merci au moins 13 fois. Mais oui, mais on est tellement gentils. Trop. Et il reste pas beaucoup de temps à l'émission, Mathieu, et on va aller écouter un peu de musique. Tout de suite, on va entendre un peu de Martel Solo. Martel Solo, qui est le chanteur des Patates Impossibles. Peut-être que tu connais les Patates Impossibles. Ben, bien sûr que non. Ça a joué à quelques reprises à l'émission La Dernière Porte à Gauche. Ouais, je reconnais le nom. Et j'imagine ailleurs, quelque part dans l'univers. Mais c'est ça, Martel Solo a lancé son album Boule à 10, qui est en téléchargement gratuit sur son site Internet. On en entendra un petit peu plus tard. Mais pour tout de suite, on écoute une pièce du groupe Le Nombre. C'est Des Zombies et des Fleurs à Assemblage Requis. Moi, j'ai entendu dire que dans un univers alternatif, un autre univers, là, comme parallèle, il y a La Dernière Porte à droite. Là. C'est moi qui l'anime, puis lui qui va l'animer mes émissions. T'es un fan de science-fiction, toi, Mathieu, hein? Tu me connais. T'es un tricky, dans le fond. Ouais. Il peut obéir et tuer sans devenir fou, monsieur l'aéroporté. Ce qui lui passe par les mains finit dans un trou. Se décomposer. Bang dans la tête, bang bang dans la tête, bang dans la tête, bang bang dans la tête. Il peut oublier et tuer sans devenir. Le nombre. Zombies et des fleurs. Attends, recommence. Le nombre. Les zombies et des fleurs. Recommence. Ben, on a dit toute l'information. C'est, okay, c'est beau. Bon. Donc, pas sûr que c'était très compréhensible. Non, sûrement pas, mais est-ce que ça change vraiment quelque chose dans cette émission, que ce soit compréhensible ou non? Et est-ce que ça change quelque chose par rapport à la formule de l'émission en tant que telle? Ah, c'est parce que ça, l'idée de l'émission, c'est qu'on se parle l'un par-dessus l'autre. Pendant 2 heures de temps. C'est ça, sinon les gens seraient tous mêlés. Ah. Sinon les... Et c'est sinon les... Mais faire... Tout mêlé. L'émission. OK. Pour... Ça tient. Je sais plus quoi dire, je vais me parler par-dessus toi. Donc, c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui et pour cette semaine. Donc, pour commencer aujourd'hui, on va remercier tous ceux qui sont venus à l'émission et qui ont participé. Donc, on parle de Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault avec Vidéo dans la question, Philippe Portail avec la chronique Zone Campus et Stéphanie Gagné avec ton plat favori. On les remercie bien grandement. Et oui, on remercie tous ceux qui ont participé à l'émission cette semaine aussi, hein, Simon Fitzboy, Émilie Gauthier, Maxime Lemieux-Laramin et là, Martin je pense Bertrand. Qu'on fait tour. Martin Bertrand, oui, c'est vrai. Oui. Donc, on se retrouve lundi prochain, Mathieu, pour une autre émission d'Assemblage Requis. Oui, lundi, il va y avoir Maxime Lemularamé avec ses suggestions musicales dans Télécharge Quoi. Il va aussi y avoir Martin Bertrand avec une autre petite mythologie. On va découvrir de la musique, on va s'amuser, on va rire tellement fort. Oui, à ne pas manquer aussi la semaine prochaine, à quelque part, qui n'est toujours pas définie, on reçoit le groupe Holerado pour parler de leur nouvel album Record in a Bag. Restez sur nos ondes à 17h, c'est évidemment une pêche en mission. Puis, il y aura La Spirale à 18h avec du indie rock. Et la soirée va se terminer avec Sky Punka à 21h pour du punk rock. Si vous avez raté une entrevue ou un segment de l'émission, un morceau, je dirais, d'Assemblage Requis, écoutez Le Meilleur de ces fous, c'est demain matin, vendredi à 6h30 et samedi à 14h. Donc, on se laisse avec la pièce de Marcel Solo. Marcel. Marcel, moi, un petit chanson, Marcel. Martel Solo, son album Bouladis est téléchargeable gratuitement tout de suite et on écoute la pièce Marcel. Ça sent le sexe. Oh, Marcel, il aime le sexe. C'est coquin. C'est Marcel. Hey, bonne fin de semaine, Mathieu. C'est typiquement sexuel. Bonne, toi aussi. Bye. Marcel aussi, bonne fin de semaine. Marcel. C'est sexy comme nom. Moi, je dis que les filles aiment ça, le nom Marcel. Tu sais? Sun.